Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Ben, sur le poste, aventure que l'on capte aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie de Pali Morceau, un artiste multidisciplinaire, créateur audio et fervent de la radiophonie, que j'ai rencontré à la radio participative Pinode dans le contexte de trois émissions qu'il consacrait aux usages de la phonographie depuis l'invention des machines de reproduction sonore. À l'écoute de ce riche contenu diffusé par Pali dans le cadre de son émission L'oreille électrique, bon, un clin d'œil à la croche-oreille, je lui ai proposé de diffuser des extraits de ses recherches et réflexions sur l'idée de paysage sonore, d'audio-naturalisme et de bioacoustique. Il sera donc question ce soir de paysage au sens large, d'écologie et de pratiques sonores, proprement dites aux yeux de quelques théoriciens, philosophes et artistes, tout ça dans une perspective assez critique et au carrefour de pratiques phonographiques, bon, pratiques qu'on nomme aussi pratiques de captation ou encore field recording, des pratiques parfois libres et d'autres fois conditionnées, vous le verrez, par l'ethnocentrisme, le colonialisme et des formes de domination et d'appropriation culturelle. Vous allez voir, c'est très fécond, très intéressant comme vision. Pali Morceau est un artiste multidisciplinaire au sens fort du terme, auteur, commissaire, éditeur. Il a mené de nombreux projets de création sonore depuis des spectacles. Il a flirté avec le cinéma et la performance. Microphones et haut-parleurs sont devenus, raconte Pali Morceau, mes principaux outils et instruments au sein d'une recherche qui s'inscrit à la croisée des arts plastiques, de la science et de la performance. Je referme les guillemets, il nous donne ce soir de la belle matière à réfléchir. Alors voilà, en première partie d'émission, des extraits d'une émission de Pali Morceau portant sur la notion de paysage sonore. L'oreille électrique, épisode Soundscapes, l'invention du paysage sonore. Alors cette notion de paysage sonore, on a pris l'habitude de l'attribuer à un seul auteur, qui est le compositeur canadien Raymond Murray Schaeffer, dont le livre Le paysage sonore est paru en 1977. Le titre original anglais est « The Soundscape », sous-titré « Our Sonic Environment and the Tuning of the World », qu'on peut traduire par « Notre environnement sonore et l'harmonie du monde ». Le succès du livre a été très important et il a eu beaucoup d'influence sur les pratiques musicales et sonores. C'est encore vrai et il a d'ailleurs été réédité récemment en français, même si on peut dire aujourd'hui que le propos est plus volontiers critiqué et qu'il peut paraître un peu daté et très ancré dans des tendances « New Age ». Au XXe siècle, l'enregistrement naturaliste a commencé à se développer dès les années 1930, mais c'est surtout une affaire musicale, et ce, depuis beaucoup plus longtemps. Or, il se trouve que Raymond Murray Schaeffer est un compositeur, et ce n'est sans doute pas un hasard. En tout cas, c'est depuis cette perspective qu'il va théoriser le paysage sonore. Au juste, Murray Schaeffer est toujours présenté et se présente lui-même comme compositeur, mais il est surtout reconnu pour ses écrits, pour sa contribution à l'écologie acoustique et pour sa pédagogie de l'écoute. Ses compositions, qui explorent les problématiques de sa génération, c'est-à-dire le chromatisme, les timbres ou les partitions graphiques, n'ont pas vraiment marqué la musique contemporaine. Elles ne se sont jamais risquées ni du côté de l'enregistrement de terrain et de l'électroacoustique, ni du côté de l'électronique. En revanche, on peut dire qu'elles s'inscrivent dans une filiation assez claire avec ces évocations paysagères des romantiques. Elles sont très souvent inspirées par des phénomènes naturels, comme le mouvement des vagues, du vent ou les phases de la lune. Et pour se donner une idée, on écoute un extrait de Snowforms, une pièce de 1986 pour ensemble vocal, comme c'est souvent le cas chez Murray Schafer, composée à partir de des formes créées par les glissements de la neige et dont les paroles chantées puisent dans le vocabulaire inuit pour décrire la neige. Avec une pièce comme celle-ci, on est clairement dans une conception d'une nature harmonique et pure dont la musique nous donne une version sublimée et qui va systématiquement s'opposer au désordre et au bruit de la civilisation humaine. Et il faudrait même ajouter de la civilisation humaine moderne et blanche, puisqu'on l'a compris ici, les Inuits sont implicitement associés à cette pureté et à cette vérité de la nature. Avant de passer à une analyse un peu critique du contenu du livre Le paysage sonore, il faut tout de même rappeler que Murray Schafer n'était pas seul pour écrire son livre, puisqu'il avait de nombreux collègues au sein de l'équipe du World Soundscape Project à l'Université de Vancouver, dont les recherches ont largement nourri le projet du livre. Et parmi ses collègues, on trouve des compositeurs et des compositrices reconnus, comme Barry Truax ou Hildegard Westerkamp, qui ont, quant à eux, une approche plus électroacoustique du soundscape et intègrent des enregistrements sonores dans leurs compositions. On va écouter un extrait d'une pièce de Westerkamp, une compositrice allemande donc, qui est venue s'installer à Vancouver au milieu des années 1970 pour rejoindre le World Soundscape Project. Les enregistrements de soundscape qu'elle utilise dans ses compositions ont souvent une dimension familière, sont des éléments et des ambiances prélevées dans un environnement quotidien, parfois avec une certaine tendance au pittoresque et auquel le montage et l'association avec une source instrumentale donnent une dimension musicale. On écoute un extrait de l'une de ses pièces les plus connues, Terrain der Wahrnehmung, les portes de la perception, de 1989. Thank you. J'en viens maintenant au paysage sonore et au contenu du livre de Murray Schafer. En commençant par sa couverture, où apparaît d'emblée cette idée de « tuning of the world », d'harmonie du monde, qui fait directement référence à l'harmonie des sphères pythagoriciennes. L'harmonie des sphères, c'est cette conception tirée de la découverte des mathématiques des fréquences sonores, dont les règles harmoniques deviennent pour Pythagore le signe de la perfection d'une mécanique céleste, qui va se retrouver dans le mouvement des astres, les mathématiques ou la musique. Les travaux de Pythagore sur les fréquences vont d'ailleurs devenir la base de tous les systèmes musicaux occidentaux, qui vont aussi prolonger cette pensée de l'harmonie sous différentes formes. On retrouve chez Murray Schafer ce soutènement métaphysique, par-dessus lequel il va déployer tout le répertoire des paysages sonores, qu'il organise selon une classification à la fois thématique et chronologique, qui va de la nature au rural, à la ville et à l'évolution de l'activité industrielle. Ce qui sous-tend de manière implicite cette classification, c'est un système de valeurs en apparence assez simple. En gros, le son de la nature, c'est bien, les bruits industriels, c'est mal. Ça peut sembler un peu lapidaire de le présenter ainsi, mais Murray Schafer lui-même qualifie les sons de la nature de hi-fi et les bruits industriels de lo-fi, ce qui n'est finalement pas très différent. Et c'est là qu'on touche au problème fondamental de la pensée de Murray Schafer, qui est aussi plus largement le problème de l'écologie acoustique. C'est-à-dire que là où je décris un système de valeurs, Murray Schafer, lui, il conçoit un ordre ontologique, une vérité universelle. Pour lui, il s'agit de décrire le plus précisément possible, c'est-à-dire le plus objectivement possible, entre guillemets, les évolutions du paysage sonore. En revanche, il n'y associe aucun travail réflexif, aucune épistémologie du paysage sonore n'est faite, et il ne prend jamais la peine d'interroger ni même d'établir sa conception du paysage sonore. Pour lui, en fait, ça n'est pas nécessaire parce que le paysage sonore, c'est une évidence universelle. Il n'y a aucune raison de se demander s'il en existe des conceptions différentes ou si un paysage peut être perçu depuis des points de vue antagonistes. Son affaire, c'est bien le paysage sonore, le soundscape au singulier, qui devient le synonyme de notre réalité sonore commune, our sonic environment. Je laisse Murray Schafer de côté un moment pour le mettre en regard avec une approche très différente, mais contemporaine, toujours dans les années 1970, avec Luc Ferrari. Cette fois, on est du côté de la musique électroacoustique et donc dans un genre musical qui s'est entièrement construit sur les possibilités de l'inscription du son. Mais Ferrari est pourtant le premier compositeur électroacoustique à se poser vraiment cette question du paysage sonore, alors que jusque-là, l'enregistrement n'y est essentiellement destiné qu'à fabriquer de la matière première électroacoustique. Il utilise lui aussi le terme de paysage sonore, mais très loin de Murray Schafer et de cette pensée globale de l'écologie acoustique, de cette idée d'un bien universel à protéger, chez Ferrari, les paysages sonores sont personnels, quasiment autobiographiques et même anecdotiques. Alors il semble qu'au départ, Ferrari utilise ce terme d'anecdotique pour tourner en dérision les critiques de Pierre Schafer, qui est son mentor en musique concrète, et pour qui ce genre d'enregistrement brut manque cruellement d'intérêt électroacoustique, parce qu'il n'y a pas d'objet sonore, parce qu'il n'y a pas de morphologie du son, et parce qu'il n'y a en somme pas vraiment de création. Ferrari a de son côté une approche beaucoup plus décomplexée, plus débonnaire, et d'ailleurs il va se mettre à parler dans les compositions, parfois littéralement juste pour donner l'heure ou pour donner son avis, et il assume donc complètement cet anecdotisme. D'une certaine manière, on peut dire que les enregistrements bruts qu'il utilise vont eux aussi parler à la première personne. Parfois ce sont des contrepoints à l'intérieur de choses plus composées, mais il va aussi en faire de longues scènes dans lesquelles on n'entend plus que le paysage seul, sans manipulation et sans montage. La plus emblématique et l'une des premières de ses compositions de ce genre étant son presque rien numéro 1, sous-titré « Le lever de soleil au bord de la mer » en 1970. Je vais maintenant évoquer un autre exemple, encore un peu différent, de pratique sonore liée à la notion de paysage sonore avec Knut Victor. En réalité, il est légèrement précurseur par rapport à Ferrari puisqu'il va commencer à réaliser des phonographies dès les années 1960. Lui n'utilise pas vraiment le terme de paysage sonore, mais il parle plutôt d'image sonore ou de peinture sonore. Contrairement à Ferrari, Westerkamp ou Murray Schafer, Knut Victor ne s'identifie pas comme musicien. Il va contribuer d'ailleurs à définir l'idée d'un art sonore qui serait le parent sonore de l'art pictural, et avec cette référence à la peinture plutôt qu'à la photographie et son objectivité documentaire, il s'agit là aussi de faire valoir un point de vue très subjectif et personnel. Ce qui distingue les enregistrements de Victor, c'est une patte, un style personnel, avec cette idée que les micros sont des pinceaux pour l'artiste sonore. L'autre aspect important, c'est que Victor va beaucoup travailler la petite échelle, à hauteur d'écoute, et donc bien loin de la dimension universelle du soundscape et du recul que demande le cadrage du paysage sonore. Il va passer l'essentiel de son temps dans son jardin et autour de chez lui, dans sa campagne du Luberon, où il s'est installé en venant du Danemark, en se concentrant sur des détails parfois minuscules, l'activité des insectes ou le bruit des gouttes d'eau. On écoute un extrait des Éphémères, une réédition récente d'enregistrement tirée d'une série d'images sonores créées pour France Musique en 1977. Ce sont des criquets. Des dizaines de milliers font résonner toute la vallée. Ils sont partout, sur les feuilles, sur les pointes d'herbe. Ils sont très difficiles à apercevoir. En réalité, on ne les entend pas tous à la fois. Ils dressent deux ailes transparentes en l'air et les font vibrer. Le son va en avant et en arrière, pas sur les côtés. Ce sont les plus mélodieux de tous les criquets. La vigne chante. Alors évidemment, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples et beaucoup d'autres manières d'aborder le paysage sonore par la phonographie, mais après ces premières écoutes, j'en reviens à la théorie. Si, comme je l'ai mentionné, on peut trouver qu'il manque une dimension épistémologique et réflexive au livre de Murray Schafer, il y a en revanche une philosophe qui a consacré une étude à la manière dont la notion de paysage s'est construite culturellement et conceptuellement. Il s'agit de Anne Coquelin. J'ai d'ailleurs emprunté pour cette émission le titre de son livre, « L'invention du paysage ». Quand on regarde un paysage, nous dit Coquelin, on est face à une sorte d'évidence. Le paysage, c'est quelque chose qui ne fait pas de doute, qu'on a l'impression de recevoir sans médiation. Mais comme elle nous l'explique, on n'a pourtant pas toujours regardé l'environnement de la même manière, et on peut même faire une archéologie de l'idée du paysage et dater son invention. Celle-ci remonte à la Renaissance et à l'invention de la veduta dans la peinture italienne, et elle s'articule avec la construction de la dichotomie entre nature et culture dans la pensée occidentale. Pour Coquelin, le paysage en peinture est un équivalent construit de la nature sur lequel on va s'appuyer pour résoudre un paradoxe conceptuel, penser la nature comme quelque chose d'extérieur à la pensée, ou pour le dire autrement, faire tenir l'idée de nature à l'intérieur de la culture. Dans le cadre d'une pensée prémoderne et à une époque où on n'a pas encore achevé de découvrir la planète, le paysage, mais aussi son équivalent dans le monde réel, le jardin, sont donc des espaces gagnés sur l'étendue infinie de la nature indescriptible. Des formes à travers lesquelles le monde naturel extérieur est en quelque sorte colonisé par la perception et le langage. C'est à travers les formes du paysage et du jardin que la nature devient sensible, accessible et signifiante. Ce qu'explique Anne Coquelin, c'est à quel point cette invention du paysage va profondément influencer notre regard, au point que le sentiment du paysage finisse par devenir quelque chose qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour pouvoir le reconnaître. Nous avons intégré dans notre regard, dans notre perception même, cette pensée du paysage, de même que nous y avons intégré les codes de la peinture classique, comme l'opération de cadrage, de la veduta, de la fenêtre, les lignes de la perspective ou les systèmes de valeurs symboliques qui nous permettent de décomposer la continuité de la nature en éléments signifiants du paysage. Mais entre la Renaissance et la fin du XXe siècle, la période moderne a achevé de découvrir, de cartographier, de décrire le monde, et du point de vue de Coquelin, cette finitude du monde met en crise la notion de paysage. Chez Murray Schafer, on peut dire que cette crise se traduit par un renversement conceptuel. Plutôt qu'un espace gagné par la perception humaine sur l'infini de la nature, le paysage de l'époque moderne devient son reflet inversé. Une ressource offerte par la nature est menacée par l'activité humaine. Et il n'envisage pas cette pollution sonore comme un nouveau paysage à décrire, mais bien comme l'antithèse du paysage. La pollution sonore est un bruit de fond indistinct, un chaos de fréquences dont le niveau, au fur et à mesure qu'il s'élève, réduit à la fois l'étendue du paysage et notre capacité à l'entendre. À travers les catégories de Murray Schafer, on retrouve toute une série de typologies du paysage qui vont devenir des thèmes phonographiques. Le paysage rural, marin, urbain, le paysage de montagne, etc. Mais surtout, aux deux pôles opposés de la nature sauvage et du paysage industriel, ce sont les paradigmes de la jungle et de l'usine qui vont devenir des figures récurrentes et emblématiques dans une quantité inépuisable d'enregistrements sonores et de production de field recording ou d'œuvres musicales. Ce goût pour les sons industriels va se cultiver à travers toute une autre tradition qui commence avec l'art des bruits des culturistes italiens, dont la philosophie est par bien des aspects aux antipodes de celle de l'écologie acoustique. Chez les futuristes et aussi dans les avant-gardes russes, puis dans les musiques industrielles qui vont se développer par la suite, le bruit de l'ère industrielle n'est en aucun cas une pollution sonore qui limiterait la perception, mais au contraire une occasion de la renouveler et d'en dépasser les limites, d'inventer un nouveau langage et de produire une nouvelle sensibilité. La notion de paysage est bien présente chez les futuristes, comme elle peut être présente chez certains artistes de musique industrielle par la suite, mais il n'y a plus rien de l'évidence dont parle Coquelin. C'est un paysage auquel on accède uniquement par une réforme de la culture et de la perception. On écoute une composition de 1961 d'un compositeur du GRM, Philippe Garçon. La composition s'appelle Turmac et elle est composée à partir d'enregistrements de terrain réalisés dans une usine de cigarettes et dans laquelle tout l'enjeu est d'organiser la cohérence d'un paysage musical à partir du chaos des bruits industriels. Thank you. À la suite des critiques formulées par Ingold et avec des exemples de pratiques sonores récentes comme celle de Thomas Tilly, on peut en arriver à se dire que le paysage sonore est désormais un concept daté et qu'on a fini par le dépasser. Mais ce serait omettre que quelques contemporains de Murray Schafer ont formulé une approche critique assez radicale de l'écologie sonore, et c'est le cas notamment de David Dunn, compositeur et chercheur californien, actif comme Murray Schafer des années 1970 jusqu'aux années 2000. À l'opposé d'une éthique de la préservation basée sur l'idéal d'un paradis perdu, à l'opposé des conceptions essentialistes et anthropocentristes de la perception, Dunn s'inscrit dans une pensée d'une écologie politique dont le projet est de produire des utopies cybernétiques. Pour Dunn, l'environnement est une complexité qu'il est impossible de faire tenir à l'intérieur du cadre du paysage sonore. C'est un écosystème global fait d'une multitude de liens, de relations, de communications et d'interactions entre le vivant et le non-vivant, entre l'humain et le non-humain, entre le langage et la technologie, le tout formant un langage environnemental en constante évolution et en constante adaptation. Pour sa série des Entrainments, il utilise le traitement électronique en temps réel pour faire évoluer de manière progressive et non intrusive la morphologie des sons de communication animale captés dans des lieux spécifiques et jusqu'à entraîner la possibilité d'une réponse animale et d'une musique générative qui est le résultat de la friction entre les sons, les comportements et les espèces. On se quitte donc sur Entrainment 1 de David Dunn et Lisbeth Rimland, un enregistrement de 1984. Merci de votre écoute, à bientôt. Alors voilà, ainsi s'achève la première demi de l'émission. Restez des nôtres, on poursuit ça avec l'artiste sonore Pali Meursault. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, vous écoutez La Croche-Oreille sur CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. J'accueille ce soir les propos et réflexions de l'artiste sonore, auteur et commissaire français Pali Meursault à propos du paysage sonore et des pratiques phonographiques qui en résultent. Bon, au cours de cette seconde demi, Pali Meursault se penche sur l'histoire des pratiques sonores de captation des voix animales, dont celles associées au chant des oiseaux et à l'ornithologie. Alors ça, c'est vraiment très captivant comme sujet. Il sera question des enjeux liés à l'audio-naturalisme et à la bioacoustique, des sujets passionnants associés aux pratiques de la phonographie. Pali Meursault mène et réalise depuis plusieurs années des projets performatifs, des installations interactives, des compositions musicales et des documentaires sonores, des projets d'auteurs, d'éditeurs et de commissaires. Intéressé par les liens qui unissent les arts, les sciences, le sonore, Pali présentera un projet d'écoute autour des glaciers, projet intitulé « Melt », dans le cadre de l'édition 2025 du Festival Experimenta. Ça se tient à Grenoble en février, là, dans les prochains jours. Projet né de la rencontre des artistes Pali Meursault et Thomas Tilly avec les glaciologues Luca Davaz et Antoine Rabatel. Alors, sur ce, on poursuit l'écoute de ses réflexions sur l'audio-naturalisme et la bioacoustique. On écoute ça. Dans cet épisode de l'oreille électrique, nous allons à nouveau nous intéresser aux sons de la nature et en particulier aux voix animales, à travers les pratiques de l'audionaturalisme et de la bioacoustique, deux disciplines qui se sont développées à partir des possibilités de l'enregistrement sonore pour produire des documents sonores dont la valeur peut aussi bien être esthétique que scientifique. Comme je l'ai rapidement évoqué en parlant de paysages sonores dans le dernier épisode, l'histoire de la description de l'environnement en musique est bien plus ancienne que l'invention du phonographe. J'avais notamment mentionné la notation des chants d'oiseaux par Athanasius Kircher au XVIIe siècle. C'est l'une des nombreuses facettes des recherches encyclopédiques et empiriques de Kircher et une approche assez novatrice puisqu'il est sans doute le premier à utiliser la mise en partition des chants d'oiseaux sans que la finalité soit une œuvre musicale inspirée de la nature, mais bien la description zoologique elle-même. Avant lui, cependant, il existait déjà depuis les 15e et 16e siècles une tradition de musique descriptive. Un exemple particulièrement fameux est le chant des oiseaux, composé par Clément Jeannequin vers 1520, qui intégrait une partition vocale onomatopéique pour évoquer les différentes espèces d'oiseaux. On en écoute un extrait. La relation entre les oiseaux et les humains est assez particulière, ils nous sont à la fois très étrangers et très familiers. Les oiseaux nous ressemblent peu, mais leur aptitude au vol, leur manière d'habiter ou leur mode de reproduction ont nourri nos langages et nos cultures par de nombreuses métaphores. C'est peut-être justement parce que nos usages du monde sont si différents et parce que, jusqu'à une époque très récente, nous ne nous servions qu'assez peu du ciel, que nous sommes parvenus à partager l'espace et à entretenir une proximité avec certains d'entre eux. Même si nous avons toujours été des prédateurs pour les oiseaux, nous sommes, de fait, beaucoup moins en rivalité territoriale avec eux qu'avec les grands mammifères qui nous ressemblent davantage. Si en réalité cette coexistence n'est valable que pour quelques espèces, elle est profondément ancrée dans nos cultures et le chant des oiseaux est l'un des principaux éléments qui nous rend la nature familière. L'aspect sonore de cette familiarité apparaît aussi dans le fait que depuis longtemps, nous avons essayé de noter, d'articuler la voix des oiseaux à l'intérieur de la musique et du langage. Et il est vrai que, contrairement au grognement et au feulement des mammifères, aux stridulations des insectes et à toutes les manifestations sonores animales qui se situent en dehors du spectre audible par les humains, la plupart des oiseaux produisent des notes à l'intérieur d'une gamme de fréquences relativement proche de nos gammes musicales. Pour toutes ces raisons, les oiseaux occupent une place particulière dans notre perception de la nature, et lorsque les technologies d'inscription sonore vont apparaître, c'est bien à partir des oiseaux et de l'ornithologie que les pratiques de l'audionaturalisme et de la bioacoustique vont progressivement se construire. Le premier et le plus important des pionniers de la prise de son de nature s'appelle Ludwig Koch, et ses innovations audionaturalistes vont justement se développer sous la double influence de la musique et de l'ornithologie. À l'âge de 8 ans, en 1889, Koch, qui deviendra bientôt un musicien professionnel, réalise ses premiers enregistrements avec le phonographe d'Edison, en commençant par son oiseau domestique. Listen to this. It doesn't sound like much, does it? But in fact, it's a sound document of great historical significance. The first recording of a bird. In fact, an Indian Sharma bird, made in 1889 by an 8-year-old boy from Frankfurt called Ludwig Koch. Avec Ludwig Koch, c'est un peu la matrice du personnage de l'audionaturaliste qui se constitue, et on retrouvera les mêmes traits plus tard chez beaucoup d'entre eux. une passion pour l'ornithologie comme point de départ, une expérience de musicien qui va servir de base pour instaurer un dialogue avec les sciences naturelles et un important travail consacré à la communication et à la pédagogie. À partir des possibilités de l'enregistrement phonographique, l'ornithologie et la zoologie vont ainsi se doter d'un nouvel appareillage de médiation des manifestations sonores animales, reléguant aux choses du passé l'imprécision des descriptions phonétiques ou des notations musicales approximatives utilisées jusque-là par les biologistes. Dans les années 1930, Cor, qui a fui l'Allemagne nazie pour se réfugier en Angleterre, parvient à convaincre un ornithologue de renom, Harry Witherby, de l'intérêt de l'enregistrement sonore. Pour ce dernier, la technologie sonore est une occasion d'affiner les classifications et l'identification des espèces grâce à des données techniques comparables et objectives, mais aussi une occasion de populariser l'ornithologie auprès d'un grand public, notamment par le biais de programmes radio. Mais pour autant, cette approche technique et scientifique ne s'oppose pas à la sensibilité musicale, et ce que Cor apporte à l'ornithologie, c'est aussi une forme d'éducation de l'écoute qui vient de la musique. D'ailleurs, à l'époque du gramophone, les techniques d'enregistrement sont elles-mêmes empruntées à l'industrie de la musique, et l'ornithologie acoustique naissante va continuer d'imprégner notre perception de la nature par le vocabulaire et la culture musicale. Pour les ornithologues, comme dans le langage courant, les oiseaux sont des musiciens et ce sont leurs chants que l'on écoute. D'une certaine manière, bien sûr, faire de l'oiseau un chanteur ou un musicien ne constitue qu'une métaphore de plus parmi les nombreuses que nous utilisons pour décrire le monde naturel et animal. Mais un peu comme la notion de paysage dans l'analyse d'Anne Coquelin que j'ai évoquée la dernière fois, ce prisme musical est aussi une forme d'impensé, une construction culturelle qui remonte notamment à Kircher ou à Jeannequin, et qui imprègne notre perception du monde. Et comme on va le voir, les valeurs musicales que l'on associe spontanément à certaines manifestations sonores de la vie animale vont fonctionner au-delà de simples métaphores et avoir des effets déterminants sur nos manières de percevoir l'environnement, de concevoir la nature ou de construire nos relations avec les vies autres qu'humaines. En ornithologie, les oiseaux sont identifiés visuellement par leur robe et auditivement par leur chant. À partir du XVIIIe siècle, la description systématique de la morphologie mélodique des chants d'oiseaux devient un élément essentiel de la construction taxonomique de la classification des espèces. Au XXe siècle, l'arrivée des techniques d'enregistrement va permettre d'affiner ces classifications grâce à des écoutes plus précises et plus analytiques et à la possibilité de comparer et de cataloguer, mais aussi grâce à des manipulations sonores comme le fait de ralentir l'enregistrement. La bande magnétique va faciliter ce type d'opération à partir des années 1950 et permettre de percevoir et de décrire des modulations trop rapides pour l'oreille humaine. D'un côté, l'inscription sonore va donc contribuer à dépasser la musique des oiseaux pour faire émerger la notion de communication animale. Cette idée va s'étendre aux autres domaines de la zoologie, et les possibilités de l'enregistrement vont nourrir l'analyse de la fonction des cris et des chants des animaux, en termes de reproduction, d'interaction sociale au sein d'une espèce ou entre des espèces différentes, ainsi que la manière dont les espèces s'adaptent et adaptent leur communication en fonction des transformations de leur environnement. Mais d'un autre côté, ces nouvelles possibilités sonores vont aussi être utilisées pour retrouver et promouvoir l'idée d'une musique des oiseaux. Le meilleur exemple de ce genre d'approche est Jim Fassett, un compositeur, ingénieur du son et ornithologue américain qui se présentait lui-même comme zoomusicologue. Sa pièce la plus connue date de 1960, Symphony for the Birds, exploite le ralentissement d'enregistrement de chants d'oiseaux afin de créer une pièce dont Fassett revendique la valeur musicale dans une explication donnée en préambule du disque, au cours de laquelle il puise abondamment dans le vocabulaire de la composition. On this recording, you will hear an orchestra of singing birds. Every sound in this musical composition, every note, chord, background, solo, every sound and every combination of sounds was emitted originally from the throats of birds. Thank you. L'ornithologie acoustique a continué de se développer jusqu'à aujourd'hui avec ses éléments d'une culture musicale de l'écoute, tout en contribuant à la production de données scientifiques. Mais la singularité de la pratique tient aussi à sa sociabilité. La production massive d'enregistrements et de données d'identification repose en grande partie sur le travail bénévole et passionné de milliers d'ornithologues et preneurs de sons amateurs qui se retrouvent sur des plateformes en ligne pour partager leurs sons. La vie des oiseaux constitue ainsi l'un des aspects de la nature qui est le plus activement observé et documenté par les êtres humains, et on peut d'ailleurs remarquer que, dans ce genre de site, la carte de l'inscription territoriale des espèces d'oiseaux se superpose à la géographie sociale des ornithologues. Chacun et chacune ayant son aire d'activité de birdwatcher et devenant témoin et spécialiste de son environnement immédiat. Cette correspondance entre la présence des oiseaux et le découpage des territoires humains peut aussi prendre une dimension institutionnelle. Celle-ci est particulièrement apparente aux États-Unis, où chaque État est doté de son State Bird officiel et de sa branche de la National Audubon Society, organisation d'ornithologie qui est l'une des plus anciennes et des plus importantes fondations de conservation de l'environnement. Cet attrait pour l'étude des oiseaux, qui existe partout dans le monde depuis le début de la période moderne, tient donc ainsi une place de premier rang parmi les formes d'attention que nous prêtons à l'environnement. Et il témoigne aussi des manières dont nous nous le représentons. Pour comprendre l'audionaturalisme, il faut donc ici faire un détour par l'anthropologie afin de comprendre d'abord ce qui fonde le naturalisme. Dans la pensée de l'anthropologue Philippe Descola, notamment développée dans un livre publié en 2005, Par-delà nature et culture, le naturalisme est, avec l'animisme, le totémisme et l'analogisme, l'une des quatre ontologies qui forment l'écologie des modes d'identification et de relation au monde. Ces ontologies constituent différentes manières de construire et de penser la distinction entre soi et le monde, selon différentes manières d'identifier les différences et les ressemblances intérieures et physiques entre l'humain et le non-humain. Parmi ces différents systèmes de pensée, seul le naturalisme, qui est le propre des sociétés occidentales, a produit l'idée de nature, qui sous-entend une représentation du monde fondée sur la dichotomie entre nature et culture, frontière infranchissable entre soi et autrui. Selon Descola, cette conception anthropocentriste imprègne à la fois nos arts, nos technologies et nos principes scientifiques. Et la différenciation ontologique entre humains et non-humains aboutit également à produire une différenciation des sociétés humaines entre elles, le naturalisme ayant ainsi conduit l'Occident à produire une anthropologie ethnocentriste qui peine à comprendre à la fois le monde non-humain et les sociétés non-occidentales. On voit bien ici à quel point les usages coloniaux et post-coloniaux de l'enregistrement ou la notion de paysage sonore s'inscrivent tout à fait dans la perspective de ce naturalisme occidental. Frédéric Keck, un anthropologue proche de Descola, rappelle de son côté que la pratique de l'ornithologie incarne aussi une forme de relation interespèces qui trouve aussi des résonances du côté de l'animisme. Dans le cadre de sa recherche sur les pandémies, Keck produit une ethnographie des relations entre hommes et animaux et montre notamment le rôle de sentinelle que peuvent jouer les ornithologues, dont les observations permettent de déceler des signaux d'alerte qui auraient échappé à la perception naturaliste. L'ornithologie connaît ainsi aujourd'hui le même mouvement de déconstruction et de dépassement des représentations classiques de la nature que celui que l'on retrouve par exemple au sein des sciences du climat, afin de produire une pensée globale des interrelations entre monde humain et autres qu'humains. L'urgence climatique, les pandémies ou l'avènement d'une sixième extinction de masse sont bien là pour nous rappeler à quel point il est urgent de réformer notre perception du monde. Mais on sait aussi que cela ne se fait pas sans résistance, et la version caricaturée à l'extrême du naturalisme occidental que sous-tendent les thèses climato-sceptiques en sont une preuve tangible. De là, pour revenir aux pratiques sonores audionaturalistes, il s'agit donc de se demander en quoi elles ont effectivement été nourries par l'ontologie naturaliste, par l'anthropomorphisme et par l'anthropocentrisme, et ce qu'il reste encore à déconstruire. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, à la suite de Ludwig Kor, les pratiques d'enregistrement sonore du monde animal ont continué de se développer et de se structurer autour d'une notion scientifique, la bioacoustique. Pour faire vite, on peut dire que la bioacoustique est la version scientifique et objective de la pratique de loisir que constituerait l'audionaturalisme. Mais comme on l'a vu, l'audionaturalisme a des dimensions scientifiques et la scientificité de la bioacoustique, comme on va le voir, n'est pas exempte de subjectivité. D'ailleurs, Ludwig Kor lui-même est considéré comme le fondateur des deux disciplines et beaucoup parmi celles et ceux qui vont développer les techniques et les théories de l'enregistrement de nature seront à leur tour considérés à la fois comme bioacousticiens et audionaturalistes. C'est le cas de Bernie Krause, qui est une figure importante de la bioacoustique et sans doute la plus connue du grand public. Le paysage sonore du Yukon Delta National Wildlife Refuge est un endroit rare, tant cette zone est encore préservée. Tout au long de la journée, le paysage sonore est composé d'un perpétuel mélange de sons d'origine biologique et non biologique. D'un côté, l'ensemble des signaux émis par tous les organismes vocalisants compose ce que j'appelle la biophonie. De l'autre, les vents en provenance de la côte et les tempêtes de la mer de Bering, les sons naturels, non biologiques, sont ce que j'appelle la géophonie. Occasionnellement, on entend même le son lointain d'un avion transportant des passagers ou du matériel jusqu'au village qui parsème la région. Ces sons produits par l'homme, par exemple ma voix, ou les bruits électromécaniques comme ceux des avions, constituent l'anthropophonie. En identifiant et en cataloguant ces sources sonores, j'essaie d'attirer l'attention sur les distinctions que nous devons apprendre à faire pour mieux comprendre notre environnement acoustique, afin de préserver les fragiles paysages sonores qui nous restent. L'extrait sonore que l'on vient d'entendre est tiré du site internet de promotion de la grande exposition consacrée à Bernie Krause en 2016 à la Fondation Cartier, sous le titre « Le grand orchestre des animaux ». Cette idée de grand orchestre animal, qui qualifie la biodiversité sonore dans son ensemble, constitue l'argument central de la recherche de Bernie Krause, et on retrouve d'emblée cette conception d'une nature perçue à travers la culture musicale. La principale contribution de Krause à son nouveau champ de recherche tient dans cette idée de grand orchestre animal et dans cette trinité de catégories que l'on a entendu mentionner dans l'extrait sonore, géophonie pour qualifier les sons environnementaux non vivants, biophonie pour les sons produits par les êtres vivants et anthropophonie pour les sons d'origine humaine. Cet essentialisme et ce naturalisme transparaissent aussi dans l'usage généralisé que fait Krause de la métaphore musicale pour décrire l'environnement sonore. En cela, il s'inscrit dans la même lignée que Raymond Murray Schaeffer en faisant reposer son approche scientifique sur une philosophie de l'harmonie naturelle empruntée à Pythagore. On y retrouve donc le même paradoxe. C'est la culture humaine qui permet d'apprécier la valeur d'une harmonie naturelle que la présence humaine fait disparaître. L'idée d'un grand orchestre animal est donc une image de cette nature naturelle que l'homme n'aurait pas encore perturbée. Le réflexe anthropocentriste, qui consiste à superposer une grille de lecture musicale sur des manifestations sonores non humaines, a ainsi des effets pervers et durables, qui rendent particulièrement problématique le positionnement de propositions comme celle de Krause à la Fondation Cartier. En science, mais aussi dans les approches audionaturalistes ou dans les arts sonores, les pratiques sont aujourd'hui nourries par l'anthropologie critique et les nouvelles écologies, suivant un mouvement progressif de déconstruction des anciennes conceptions naturalistes. Ainsi, pour les scientifiques, mais aussi pour de nombreux artistes sonores, la médiation technologique devient aujourd'hui une occasion de dépasser le cadre du naturalisme classique et d'appréhender des milieux ou des phénomènes qui restent habituellement inaccessibles à l'audition humaine. Microcosme ou profondeur, ultra et infrasons, phénomènes situés en deçà du seuil d'audibilité ou dont la nature vibratoire nous reste inaccessible. Pour finir cette émission, je vous propose donc d'écouter quelques exemples qui explorent de nouvelles formes de médiation sonore à la croisée des sciences, de l'écologie et des musiques expérimentales. Et tout d'abord, en écho à David Dunn, avec qui j'avais conclu la dernière émission, une pièce de Yannick Dobie pour Echoes as Messengers. Publié en 2015, Dobie utilise des captations hétérodynes d'écholocation de chauves-souris, un procédé qui permet de transposer les ultrasons que ces animaux émettent pour s'orienter et chasser à l'intérieur du spectre audible, tout en préservant les modulations d'enveloppe et les morphologies acoustiques. Nous n'écouterons qu'un court extrait de la composition qui dure une heure et au long de laquelle les écholocations sont soulignées ou combinées avec des matériaux sonores électroniques. C'est donc sur ces sonorités que s'achève cet épisode de l'oreille électrique. En guise de conclusion provisoire, je voudrais souligner la manière dont ce type de recherche artistique trouve dans de nouvelles approches technologiques et théoriques des occasions de renverser la perspective naturaliste. Plutôt que de penser la nature à partir d'une préconception de la musique, il s'agit de déconditionner la relation à l'environnement pour nourrir de nouvelles formes d'art sonore. Eh bien, voilà que s'achève l'accroche-oreille pour ce soir en compagnie de l'auteur, commissaire, artiste sonore Pally Meursault, qui nous présentait des extraits d'une recherche passionnante, fort bien documentée sur l'histoire des pratiques de reproduction sonore, bon, appelées phonographie ou encore field recording, pratiques qui donneront naissance aux idées de paysage sonore, d'audio-naturalisme et de bioacoustique. Alors, grand merci à Pally Meursault de nous avoir permis l'écoute de son travail de recherche diffusé originellement dans le cadre de son émission L'oreille électrique. Comme à l'habitude, vous retrouverez les références complètes aux extraits entendus ce soir sur le site L'accroche-oreille, ainsi que sur le site de Pally Meursault, il y aura les références sur le site des émissions complètes qu'il a produites. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.